direct à Montpellier. C'est l'heure de manger, je veux des crevettes pile pile. Je passe par Tanger, voir Navi de bling bling. Faut faire du chiffre, rien à foutre l'alphabet. Sirotin Jack avec Rémi de Mayabé. Moi, ouais, je veux des diamants avec beaucoup de carats. Big up Mounir et Mélissa, big up tout le Clara. Au volant d'un haut, tu m'as trixé. Je sors le son même s'il est pas mixé. Ici tu peux te prendre une balle à force de fixer. Y'a que quand les gens me rendent parano que je fais des fixettes. Plein de big soucis, je t'avais dit de faire comme ça. Et tu l'as pas fait comme Tony et Sosa. Moi c'est anti-CC et société. Moi je change pas pour CC, je sais qui j'étais. Nan nan nan, c'est plus comme avant. Tu connais plein de monde mais tu es tout seul. Les petits ont grandi, maintenant ils ont les dents. Fais pas le con d'Ali, fais pas tout. Accélération, ta Fares, Shaibi. Moi, ouais, je veux des millions à la banque Shaibi. J'ai toujours ce qu'il faut, gros, même au Tarmi. Et comme Jamie, faut vendre des kills par mille. J'ai pas le temps d'en perdre, vu que ça se rachète pas. On a beau viser le ciel, on finira à terre. Pas les fous, j'ai pas le temps pour eux, même Richard Milizé. Ce qu'ils rêveraient de faire pour nous se normaliser. Viens, on se prend pas la tête, BA. Après, j'ai envie de tout niquer comme dans GTA. Soir, on va au resto, sur la CBA. Dans la sacoche, CPA. Viser fumé, ça me reconnaît au péage. J'ai pas fumé, je viens de me lever, je suis en serrage. Faut voir qui t'aide, ouais, quand t'es là. Faut voir qui t'aide quand c'est là. Lâche avec Kaku, Daniel, Chico et Waris. Ici ça part en couille, y'a deux doigts de faire mes valises. C'est loin d'être merveilleux comme le pays d'Alice. Les jeunes ils font des dingues parce qu'ils ont pas de réalisme. Reste tranquille. Si la fleur s'est fanée, c'est que je te considère vraiment si nous deux on s'allie. On n'oublie pas les vrais et crois pas que l'on blague. Big up Mister You, se DP en promenade. On n'oublie pas les vrais et crois pas que l'on blague. Big up Mister You, se DP en promenade.